Examen 4. Compréhension de l'oral. Exercice 3. Situation 0. Il est à combien ce bouquet ? 16 euros. Et celui-là à 18.